commence de là. Un jour il n'y a plus de place. Rembobiner, faire marche arrière. Détester son univers. Condamné par des fous. Ces femmes rouées de coups se détournaient, encourageaient la mort. Ne se soucier que du bénéfice, mettre en avant le vice. Toujours à des femmes qui m'ignorent. Quel est donc ce doux visage? Moi je n'ai que toi, très cher.